Ah ouais? Un jour je suis allée au CCR, car je me trouvais, car j'étais un peu triste, car j'étais un peu triste et je me trouvais pas belle. Alors je suis allée écouter. Je sais, je sais. Alors je suis allée écouter de la musique très fort. Wouah, wouah, ça fait du bien dans tout mon corps. La musique très fort. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive.